Alors, poste de travail, c'est bien sûr. Je suis un peu Mac illettré, moi. Ah, bah oui, c'est là, je suis. D'accord, super. Ah, oui, attends, donc c'est sur. Ouais, prochain, c'est mon conseil. Putain, c'était ça. Pour descendre, tu peux. Dis-moi, c'est où ça? C'est sur recherche. HESS. HESS. Ouais, c'est ça. Ah oui, je vais chier. Je peux faire passer. Mais ça va aller. Ah, pour moi. Tiens. Je peux faire passer? Ouais. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette avant-dernière séance du séminaire sur l'islamophobie en France. Donc aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'inviter Olivier Estève, donc qui va nous faire une intervention intitulée « L'islamophobie, une comparaison franco-britannique ». Donc Olivier Estève est agrégé d'anglais et maître de conférence en civilisation des pays anglophones à l'université de Lille 3. Et il est aussi enseignant vacataire à Sciences Po Lille. Donc on l'a invité parce qu'il a beaucoup travaillé sur, notamment à travers le livre, que je vais faire passer, ou qui passe peut-être déjà, de l'invisibilité à l'islamophobie, les musulmans britanniques, 1945-2010. Dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une somme, on va dire, une sorte de synthèse des travaux existants sur les musulmans en Grande-Bretagne, donc indiens, pakistanais, etc. Donc c'est une très bonne synthèse. Et vers la fin du livre, donc il y a la question de l'islamophobie qui apparaît. Donc c'est en ce sens-là qu'il nous a paru intéressant de l'inviter, donc sachant que la plupart des interventions qu'on a faites ici, ça concerne essentiellement la France. Donc les discussions qu'on a pu avoir sur les concepts, sur la terminologie, etc., c'était avec des auteurs anglophones, mais sans vraiment parler du contexte spécifique, notamment britannique. Donc là, le fait d'inviter Olivier, ça va nous permettre de... non seulement avoir un éclairage sur la situation britannique, mais aussi une discussion des concepts comme j'ai pu le voir dans le plan qui apparaît dans le papier que j'ai photocopié et que tout le monde a normalement. C'est bon? Tout le monde a un exemplaire? Ok. Voilà, tu as une petite heure, une heure, voilà. Très bien. Bonjour à tous, ou rebonjour pour les personnes que j'ai déjà vues. Alors, merci d'abord, effectivement, à Abdelali et Marwan de m'avoir invité donc, à ce séminaire. Yehuda. Yehuda, autant pour moi. Merci à vous trois de m'avoir invité à venir débattre de cette question avec vous. Alors, je ne sais pas trop si je ne connais pas bien évidemment votre maîtrise de la langue anglaise. Je vais mobiliser quelques citations en anglais. Est-ce que je peux les donner comme ça, en langue anglaise? Est-ce que je les traduis? Est-ce que, voilà, c'est une première question linguistique. Qui a des mauvaises notes en anglais. Voilà. D'accord. Après, c'est pas le genre de truc qu'on ose avouer, normalement, donc j'apprécie votre honnêteté. Tout le monde cartonne en anglais en France, c'est bien connu. Voilà, simplement. Mais ce sera pas, il n'y aura pas énormément de choses de toute façon, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Par ailleurs, je vais mobiliser quelques éléments ici de la présentation PowerPoint qui n'est pas disponible ici, mais ce n'est pas très très grave. Hein. Je pense que de toute façon, avec les polycopiers qu'on vous a fournis, normalement ça ne devrait pas te poser de problème. Voilà, donc je vais essayer de ne pas parler plus de 45 minutes pour laisser un maximum de temps pour un débat, remarques, insultes, menaces de mort et tout. Peut-être essayer de commencer par une citation d'un documentaire qui est passé sur Arte en 2008, qui s'intitule « Quand la République se voile la face », c'était diffusé le 9 décembre 2008, un documentaire de Ted Anspach, Qui va finalement remettre en cause un petit peu le présupposé qu'ont certains de mes étudiants, hein, qui partent du principe que quand c'est sur Arte, c'est bien, et quand c'est sur TF1, c'est pas bien. Voilà. Donc, alors, la conclusion de ce documentaire est la suivante. Donc, on compare le modèle d'intégration à la française et le modèle d'intégration à la britannique, hein, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et la conclusion est en 9 mots, donc c'est très court, et on nous dit la chose suivante. Alors, modèle britannique ou modèle français ? Point d'interrogation. Laïcité ou communautarisme ? Point d'interrogation. Avec une musique qui fait peur, avec des accords de piano un peu... voilà, et puis une grosse voix, quoi, hein, j'ai pas fait, mais bon, c'est un peu ça, quoi. La voix qu'on entend souvent dans les la voix masculine qu'on entend dans les bandes-annonces de films avec du suspense et tout. Alors, je vais essayer de suggérer, donc, pendant cette présentation, que cette comparaison, finalement, entre donc, modèle britannique et modèle français, elle est tout à fait opératoire pardon, pour un certain nombre de raisons. Alors, Marc Bloch, l'histoire de Marc Bloch, dans un article classique, envisageait le comparatisme dans les sciences sociales en termes d'équilibre entre ressemblance et dissemblance. Alors, on notera que cette dissociation donc, entre deux pôles, que Bloch envisageait de réconcilier par équilibrage, est inscrite dans la langue elle-même, la langue française ou la langue anglaise. Ainsi, en français, et j'ai revérifié dans le Grévis, donc c'est sans doute vrai, on utilise plutôt « comparer à » lorsqu'on dresse une liste de similitudes, et à l'inverse, on compare « avec » lorsqu'on établit des contrastes. La langue anglaise fait la même chose, en opérant un distinguo entre « to compare to » et « to compare with ». « To compare to », c'est lorsqu'effectivement on insiste sur les ressemblances. « To compare with », c'est lorsqu'on insiste sur les dissemblances. Alors j'ai fait une liste ici qui n'est pas exhaustive, hein, et qui est pas... on pourrait ajouter des éléments, considérer que certains éléments sont plus importants que d'autres, sur cette présentation donc PowerPoint. Parmi les éléments ressemblants, donc, s'agissant de cette comparaison entre, on va dire, les musulmans en Grande-Bretagne et les musulmans en France, j'ai fait une liste de 10 éléments ressemblants. Premier élément, les circonstances et la période d'immigration. Deuxième élément, la condition d'ouvrier immigré, ce que Noriel appelle le travailleur immigré, ce qu'on appelait pendant très longtemps le travailleur immigré. Hein. Troisième élément ressemblant, le chômage massif et la crise de l'État-providence qui coïncident dans nos deux pays avec l'émergence de ce qu'on appelle une deuxième génération. Je mettrai génération entre guillemets, puisque quand on dit génération, on présuppose que ce sont encore des immigrés, ce qui n'est pas le cas. Quatrième élément ressemblant, une injonction à l'intégration par la droite, mais avec un discours politique qui empiète bien évidemment sur une partie du centre et de la gauche. Quand j'entends par intégration en langue anglaise, ce que l'opinion publique britannique comprend comme integration au sens de assimilation. Généralement, l'opinion publique britannique considère les deux comme étant peu ou prou synonymes. Cinquième élément, des impératifs de profit maximum pour les médias qui sont corrélés à une profonde crise, notamment de la presse écrite, qui présuppose effectivement le recyclage d'un certain nombre de thèmes dont on sait qu'on ne prend pas de risque, quoi, en parlant. Hein. Ça peut être bien évidemment les francs-maçons ou ce genre de choses, mais ça peut être aussi la menace islamique ou islamiste. Généralement, les deux sont pris comme étant synonymes. Sixième élément, la nature du marché immobilier, qui est peu différente en France et en Grande-Bretagne, et qui, effectivement, autorise la construction de ce qu'on appelle, pour aller très vite, certains ghettos, quoi. Septième élément, des politiques assez comparables dans les deux pays d'accès à la propriété. Je pense par exemple effectivement aux politiques de M. Barr à la fin des années 70 ou alors aux politiques de Thatcher et de Blair en Grande-Bretagne facilitant l'accès à la propriété d'une grande partie des classes moyennes blanches qui effectivement ont eu des effets assez visibles dans un certain nombre de quartiers. Huitième élément, la dimension planétaire d'enjeux internationaux centraux. Bien évidemment que le 11 septembre en France, tout le monde en a débattu tout de suite et en Grande-Bretagne pareil. Alors ça c'est une lapalissade que de le dire. Neuvième élément, de nombreux relais et échos dans le débat global sur l'islam et l'islamisme, dont je ferai état dans la troisième partie de cette présentation. Dixième élément, ça commence à être rébarbatif, une certaine vision finalement médiatique et politique d'un islam qui serait hostile à la laïcité laïcité est relativement mal comprise au sens de sécularisation. Même si en Grande-Bretagne, effectivement, on considère que la laïcité, c'est un truc français, on considère aussi que les musulmans, en général, ont un problème avec la présence du religieux dans l'espace public. Donc si, effectivement, en France, on tend à comprendre laïcité au sens de ce que Dounia Bouzard, par exemple, appelle la laïcité narrative, on a exactement le même type de discours en Grande-Bretagne. Un collègue italien a parlé de laïcité narrative avant elle. C'est pas moi, c'est un collègue italien juriste. D'accord, non, mais j'ai pas dit qu'elle avait la paternité de cette expression, hein. Il faudrait lui poser la question. Hein. Enfin bon, voilà. Alors, parmi les éléments dissemblants, par contre, j'en ai noté trois, mais on pourrait en trouver davantage. L'histoire de l'accès à la citoyenneté, et là, clairement, il y a des différences qui sont évidentes entre nos deux pays. Hein. Deuxième élément, la nature de l'État. On pourrait débattre aussi du terme de nature ici, mais je dis ça pour aller très vite. État laïque en France, État confessionnel en Grande-Bretagne, organiquement lié à l'Église anglicane. Troisième élément, le vote très tôt d'un système de législation anti-discrimination raciale en Grande-Bretagne à partir de 1965, ce qui bien évidemment n'est pas le cas pour la France. Donc là, on a trois éléments dissemblants qui sont intéressants. Alors, je pense que... voilà si vous voulez les éléments qui sont intéressants à prendre en compte lorsque l'on débat d'une comparaison donc franco-britannique pour l'objet d'étude qui est le nôtre, quoi. Au-delà, je pense que la question du modèle, la notion de modèle pose problème. Je voudrais soulever un certain nombre de débats qui peuvent être suscités par l'invocation un petit peu mécanique de cette notion de modèle, hein, notamment dans le discours politique et médiatique. Je pense que le problème est lié finalement à l'ambiguïté qui est due à la polysémie du terme de modèle. Hein. Là, il y a un certain nombre d'éléments à évoquer. D'une part, une sorte de confusion éventuelle entre ce qui relève du modèle normatif et ce qui relève du modèle descriptif. Modèle normatif renvoyant finalement à un modèle à suivre. Hein, lorsque l'on nous fait la promotion, par exemple en France, de notre modèle social, on dit « Ah, notre modèle social, il faut le sauver et tout », ça présuppose bien évidemment qu'on est meilleur que les autres, peut-être, que notre modèle social est à conserver parce que c'est un modèle normatif, une sorte d'exemple à suivre. Hein, et puis, par opposition, effectivement, à un modèle descriptif qui relèverait finalement d'une simple façon de faire parmi d'autres. Quoi. Hein, donc première difficulté, première ambiguïté par rapport à cette notion de modèle. Deuxième difficulté, j'évoquerai la vision d'un modèle qui fossilise l'histoire, si vous voulez. Bon, dans le fameux documentaire de Ted Anspar là, sur Arte, là, alors modèle britannique ou modèle français, on a une sorte de fossilisation de l'histoire précisément parce qu'on donne à penser, implicitement bien évidemment, que le modèle britannique a toujours été ce qu'il est, communautariste, ce genre de choses. Bon. En fait, c'est faux. Il a fallu attendre le milieu des années 60... pour voir apparaître les premières politiques ciblant plus particulièrement les minorités ethniques. Hein. J'en veux pour preuve le fait que quelqu'un comme E.J.B. Rose a fait référence à la loi britannique comme étant, je cite, en 65, hein, « la quintessence de l'indifférence à la couleur »,« the quintessence of color blindness ». Une description qui, effectivement, pourrait tout à fait s'appliquer à ce qu'on décrit comme notre modèle républicain. On est en 65, hein, en Grande-Bretagne. À un moment donné, d'ailleurs, où la sociologue Ruth Glass, hein, à qui on doit notamment la notion de gentrification, hein, regrettait vivement de ne pas disposer de données statistiques permettant de juger précisément l'étendue des discriminations ethniques et raciales. Hein. Ce sont des données qui seraient accessibles en Grande-Bretagne à partir de 91 pour les données ethniques et à partir de 2001 pour la religion. Donc c'est finalement très récent dans l'histoire, tout ça. Hein. Troisième élément qui, me semble-t-il, génère un petit peu la confusion lorsqu'on évoque cette notion de modèle de façon assez routinière, assez automatique, ce que j'appellerais finalement une confusion entre, lorsqu'on parle du modèle multiculturel britannique, ou lorsqu'on parle du modèle multiculturel en général, hein, on pourrait parler du Canada par exemple, une sorte de confusion finalement qui est peut-être entretenue entre une réalité multiculturelle, le multiculturalisme comme réalité sociale, dans la rue, enfin voilà, dans l'espace public, et puis une politique publique multiculturelle. Alors, je vais donner une anecdote, hein, mais bon, voilà. On avait invité Marco Martignello à Sciences Po Lille en janvier 2012, collègue belge, et il avait commencé sa conférence en brandissant un tract peut-être que vous avez assisté d'ailleurs à cette conférence, je ne sais pas, ce serait intéressant d'en parler, une conférence parisienne qui avait eu lieu quelques semaines avant et qui avait pour titre, je cite, « Pour ou contre le multiculturalisme ?» Point d'interrogation. Et je me souviens que Marco Martiniello, en brandissant ce tract, avait évoqué l'idée selon laquelle c'est une idée qui est extrêmement saugrenue d'avoir une conférence là-dessus, puisque ça reviendrait à poser la question aux gens si ils aiment ou ils n'aiment pas la pluie, le vent ou le dimanche. Quoi, si vous voulez, voilà. Ces dernières années, en fait, en France, on a assisté à la confusion, parfois alimentée par une partie de la droite, notamment, entre effectivement la réalité multiculturelle dans une société et une politique public défini par le multiculturalisme. Alors, M. Sarkozy a été effectivement sans doute été vraiment à la pointe de ce type de l'entretien de ce type de confusion, notamment lorsqu'il a déclaré le 10 février 2011 dans l'émission Parole de Français sur TF1, je cite, dans toutes nos démocraties, on s'est trop préoccupé de l'identité de celui qui arrivait et pas assez de l'identité du pays qui accueillait. Donc, en évoquant, en exprimant ce point de vue, M. Sarkozy donc évoquait implicitement une politique publique axée sur le multiculturalisme, en disant dans toutes nos démocraties, bien évidemment, il y avait entre parenthèses la France, hein, et donnait l'impression précisément que la France avait été guidée par une politique publique multiculturelle, ce qui, notamment au niveau national, n'a absolument aucun sens. Alors, en agissant de la sorte, il emboîtait le pas, si vous voulez, à des déclarations assez connues d'Angela Merkel et puis de David Cameron, allant exactement dans le même sens, hein, je renvoie au discours de Munich de David Cameron, qui dit peu ou prou la même chose, et donc effectivement, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont deux pays où, notamment au niveau local, surtout au niveau local d'ailleurs, le multiculturalisme a pu faire l'objet d'une politique public, ce qui n'est pas le cas de la France. Enfin, et beaucoup plus important que ces débats un peu oiseux, finalement, le modèle assimilationniste à 100% n'existe pas, bien évidemment, et le modèle multiculturel à 100% n'existe pas non plus, ne serait-ce que parce que les oppositions entre politique nationale et politique locale permettent des ajustements, des négociations, des contradictions, des contrastes, des débats, etc. Voilà, alors c'est une très longue introduction, je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà bouffé là, mais je vais faire au mieux pour la suite. Peut-être commencer par... alors je vous ai fait un plan là, en trois parties, avec trois sous-parties, là, j'ai passé des semaines et des semaines à faire ça, bien évidemment c'est très très organisé, structuré et tout. Ça aide quand on n'a pas le PowerPoint par exemple. Je vais commencer par parler de ce que j'appelle finalement les préjugés avant l'islamophobie, avec cette citation d'un travail de terrain vraiment remarquable d'un journaliste qui s'appelle Jeremy Seabrook, un travail sur la ville de Blackburn, qui est vraiment super bien foutu, hein, et qui, bon, la ville de Blackburn a depuis selon le recensement de 2001, 22%, je pense, de musulmans. Enfin, c'est une ville où il y a eu vraiment une forte présence immigrée pakistanaise, à partir du début des années 60. Et donc, ce travail de terrain donne bien à voir finalement un certain nombre de préjugés extrêmement forts, et ce qu'on appelle en anglais le white backlash, hein, le ressentiment racial des petits blancs, qui se déploie finalement des décennies, quelques décennies, avant qu'on parle véritablement d'islamophobie, avant que des termes comme djihad, même islam, hein, mosque en anglais, fatwa, imam, hein, entrent effectivement dans le débat public. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que résumer cette période, je dirais que jusque le milieu des années 80 ou la fin des années 80, de façon beaucoup plus claire avec la crise des versets sataniques, dont j'essaierai de parler en détail, on a finalement un schéma qui est de l'ordre de une véritable invisibilité internationale des musulmans et en particulier des immigrés pakistanais. Hein, qui forment le gros des troupes, hein, finalement, parmi les musulmans en Grande-Bretagne, et puis une très forte visibilité locale, notamment comme dans des villes comme Blackburn, par exemple. Là, on a les villes textiles du West Yorkshire, donc Bradford étant le meilleur exemple, Leeds, Bradford, Dewsbury, et puis certaines villes du Lancashire, bon, particulièrement Manchester, mais pas seulement, Blackburn, Oldham, Burnley, toutes ces villes textiles, et puis un certain nombre de grandes villes liées aux industries lourdes que sont... l'industrie automobile, Birmingham étant le meilleur exemple, hein, Birmingham est une ville très très multiculturelle, et puis certaines villes environnantes, notamment Coventry ou alors Leicester par exemple. Hein, voilà. Alors donc invisibilité nationale et extrême visibilité locale. Hein, effectivement, ce qu'on voit dans le travail de Jeremy Seabrook, qui à mon sens est vraiment remarquable. Hein, c'est un travail de terrain sur finalement le ressentiment des petits blancs, un certain nombre d'entre eux étant assez âgés, ayant 50, 60 ans, 65 ans, et ayant vécu comme une sorte de relégation sociale, le fait d'avoir dû rester dans des quartiers qu'ils auraient aimé quitter, quoi, en fait. Hein, voilà. Alors je cite ici ce travail de Jeremy Seabrook, on peut après essayer de décortiquer ça, je n'ai pas commencé à tout traduire, j'ai traduit ça dans le bouquin là. « The Pakistanis have been singled out for a special humiliation. There is a kind of folk ogre, nearly always referred to in the singular, but who is a personality, a compound of all the least acceptable characteristics of the immigrants in the town, and whose name sounds like Pakistan. » C'est donc la première citation dans la feuille. Hein. He kills goats and chickens in the backyard. His children pee on the flagstones. He has a large family and he depresses the price of property wherever he goes. He contrives to filch, c'est steal, hein, c'est voler, hein, piquer là, le travail des autres. Hein. People's jobs and yet batten on social security at the same time. The police are on his side and he has been granted immunity from the laws of the land by the Race Relations Act. Alors, un certain nombre d'éléments dans cette citation. Premièrement, la façon dont effectivement on fait référence à l'immigré pakistanais comme un type, une sorte de d'ogre finalement populaire à qui on fait toujours référence au singulier et que l'on appelle Pakistan. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon de s'approprier finalement une menace étrangère dont on n'arrive pas à prononcer le nom, parce que souvent les immigrés pakistanais ont des noms qui sont complexes et que les anglophones n'arrivent pas vraiment souvent à prononcer. Hein. Voilà. Celui qui avait libéré, un de ceux qui avait libéré l'Inde juste à côté s'appelait Jawaharlal Nehru, hein, ce qui n'est pas évident à prononcer pour un francophone, mais aussi pour un anglophone. Donc on va finalement angliciser ces personnes en faisant référence à Pakistan. On peut aussi le voir, à l'inverse, comme une sorte d'enquistement, si vous voulez, de l'identité anglaise par une menace halogène, quoi, si vous voulez. Une sorte de Pakistan, ce serait un petit peu Frankenstein, quoi, quelque part. Quoi, hein. On a beaucoup de tendance du même ordre dans la langue anglaise, avec par exemple la référence à Bradford, la ville de Bradford, comme ayant été finalement colonisée par les immigrés pakistanais. Donc on ferait souvent référence à la ville de Bradford comme Bradistan, hein, ce qui est très facile, ou alors Pakiford, Paki étant raciste, hein, clairement, dire Paki en anglais, c'est comme dire Bougnoul, hein, en français, c'est, même si effectivement un certain nombre de Britanniques ne se rendent pas compte du caractère raciste de Paki, Paki est clairement offensive, comme on dit en anglais. Hein, voilà. Autre élément plus intéressant peut-être, la référence à la violence faite aux animaux, hein, alors « he kills goats and chickens in the backyard », c'est une certaine façon pour les Anglais, si vous voulez, c'est une façon de se glorifier de son degré de raffinement et son degré de civilisation, comme on dit en anglais. Bien évidemment, les Britanniques aiment à se représenter comme des gens qui s'intéressent à la question des droits des animaux. Hein. Il y a toutes sortes d'associations depuis la période victorienne qui sont des associations qui sont très puissantes et qui s'intéressent notamment aux droits des animaux. On voit les immigrés pakistanais clairement comme étant des sauvages barbares qui butent des animaux dans leur arrière-cour. Alors arrière-cour, backyard, renvoie lui par contre au stéréotype du pakistanais comme étant le gars sournois, qu'on n'arrive pas à lire, avec des manières de faire qui sont très très différentes, qui sont à l'inverse des Britanniques. On a toutes sortes de clichés analogues, bien évidemment, s'agissant des Arabes vus par la France, quoi, qui existaient déjà avant la guerre d'Algérie, bien évidemment. Hein. Alors, c'est plutôt la baignoire. Oui, par exemple, tout à fait, c'est ce genre de choses. Mais ici, c'est backyard, quoi. Ici, c'est l'arrière-cour. Quoi. Alors, beaucoup plus important, dans cette citation, on n'a aucune référence à l'islam. Dans le travail de terrain de Jeremy Seabrook, les termes de islam, hein, de fatwa, de imam, de hijab, de mosquée, à l'époque, on parlait de Muslim Church, de église musulmane. D'ailleurs, un certain nombre d'églises anglicanes prêter leurs locaux donc à des musulmans pour qu'ils puissent y prier. Et effectivement, les bonnes relations, d'une certaine façon, entre une grande partie de l'Église anglicane et puis les musulmans, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis au moins les années 60. Hein. L'ironie historique que je relève dans le bouquin, finalement, et qui est assez simple à déceler, hein, c'est que pendant des décennies, tous ces termes qu'on entend tout le temps dans le débat public depuis un certain nombre d'années étaient complètement absents. Et ils ont fait irruption dans les débats publics, notamment au moment de l'affaire des Versetani, dont je parlerai rapidement, et que, autrement dit, que pendant très longtemps, ces termes étaient complètement inconnus, et que du jour au lendemain, ils ont fait irruption dans les débats publics, tout de suite avec un sens très négatif. Je pense en particulier à fatwa qu'on associe à la fatwa de Khomeini, bien évidemment, en 89. Le 14 février 89, me semble-t-il, et puis un sens strictement monovalent, tant en français, bien évidemment, comme on le sait, qu'en langue anglaise. On nous parle tout le temps de ces termes-là au singulier, on nous parle du voile, du djihad, de la fatwa, de Khomeini, etc., et tout, hein, en anglais comme en langue française. Hein. Alors, deuxième élément, corollaire, hein, j'en ai déjà parlé, ce que j'appellerais finalement le choc des cultures, quoi. Hein, pour schématiser, deux tiers des musulmans outre-Manche sont issus du sous-continent indien. Et parmi eux, deux tiers sont issus du district du Mirpur, qui est un district du Nord Cachemire, extrêmement isolé géographiquement, relativement pauvre, mais pas très pauvre, puisque ce sont des terres qui sont extrêmement fertiles, traditionnelles et très rurales et assez conservateurs. Il faut imaginer le véritable choc culturel que fut l'arrivée en Angleterre de ces immigrés, donc, notamment dans le textile et dans les industries automobiles, qui sont arrivés donc, au début des années 60 ou au milieu des années 60 dans des villes anglaises comme Birmingham, comme Bradford, comme Leeds, et qui ont vu donc, par exemple des jeunes femmes qui portent des mini-jupes. Donc ces gens arrivaient effectivement de leur petit village du Nord Cachemire, écoutaient les Beatles ou les Rolling Stones, et puis il faut imaginer également le choc culturel que fut pour ces immigrés pakistanais, le fait de devoir côtoyer dans les cafétérias des usines par exemple, hein, des ouvriers blancs qui mangeaient des sandwichs avec du bacon et qui le soir venu allaient boire des verres dans les pubs, etc. Et tout, hein. Donc effectivement il y a tout un travail d'imagination de ce que fut le choc culturel pour ces hommes, sans perdre de vue le fait qu'à l'époque, hein, dans les années 60, beaucoup beaucoup plus que maintenant, la culture populaire masculine blanche a pour centre névralgique le pub, hein, le pub et le football, mais surtout le pub, hein. Un endroit effectivement qui n'est pas sans poser problème évidemment lorsque l'on est musulman. Alors, autre élément qui est important et que j'essaie de relever dans le bouquin, le fait que un nombre important, voire très important dans certaines villes, je pense en particulier à Dewsbury et puis à Bradford, le fait que un nombre effectivement très important de ces ouvriers immigrés pakistanais travaillaient de nuit dans des usines textiles. Donc, ils travaillaient la nuit, le matin ils dormaient jusque le milieu d'après-midi. Comme beaucoup d'ouvriers immigrés algériens, ils partageaient parfois le même lit. Hein. Il y avait effectivement quelqu'un qui travaillait la nuit et qui dormait la journée. Et puis, on connaît le schéma, hein, qui n'est pas spécifique donc à ces Pakistanais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de l'opinion publique britannique, qui voyait évoluer ces personnes-là, on avait l'impression qu'ils bossaient jamais. Parce qu'en fait, ils travaillaient lorsque les Anglais blancs, pour caricaturer, étaient en train de dormir, quoi. Et donc, ça alimentait, si vous voulez, le stéréotype selon lequel mais qu'est-ce qu'ils font ici, est-ce qu'ils travaillent vraiment, voilà. Et puis ces hommes pakistanais, effectivement, souvent traînaient dans les parcs, hein. Il y a beaucoup de grands parcs, magnifiques d'ailleurs, même dans des villes extrêmement industrielles comme Bradford, hein. Et donc, étaient assis sur des bancs un petit peu désœuvrés, et puis, bien évidemment, regardaient les jeunes filles anglaises, hein, ce qui, effectivement, alimentait un certain nombre de stéréotypes que, bon, bah, Fanon, par exemple, a analysé dans Peau noire, masque blanc, hein, la peur de se faire voler sa femme blanche par, effectivement, le noir, ou alors, à l'époque, bien évidemment, un certain nombre de Pakistanais, on y faisait référence comme à des noirs, hein, on les appelait blacks, hein. Voilà, alors, bon, pour le coup, la Grande-Bretagne, ça fait plus penser à Othello, et puis le mythe, effectivement, du mort qui ravit la jeune Desdémone, hein, plutôt qu'à Franz Fanon, mais bon, je pense que la lecture de Fanon est intéressante lorsqu'on a affaire à tous ces clichés, quoi. Alors, le choc culturel, en fait, que je suis en train de mentionner, il peut être rapporté, finalement, c'est une belle photo, il peut être rapporté à un contraste entre les Pakistanais d'un côté et puis ce qu'on appelait les West Indians, hein, les Caribéens, notamment les Jamaïcains, d'un autre côté. Dans une vaste étude sociologique menée dans 26 grandes usines des Midlands, donc autour de Birmingham dans les années 60, il apparaît clairement que les ouvriers blancs font un contraste entre deux catégories d'immigrés. D'une part les Asiatiques, Asians, presque exclusivement pour le coup à Birmingham, musulmans, et d'autre part les Caribéens. Les Caribéens sont et se revendiquent britanniques surtout, les Pakistanais sont britanniques mais ne se revendiquent pas vraiment britanniques puisqu'ils s'accrochent à leur culture extrêmement forte. Et les ouvriers blancs disent souvent des Caribéens et non pas des Pakistanais, la seule différence entre nous et eux c'est la couleur. S'il n'y avait pas la différence de couleur, eux c'est comme nous quoi. Pour un certain nombre de raisons. D'une part, ils sont chrétiens, malgré effectivement la sécularisation accrue, c'est quand même dans la perception des Blancs un élément qui est important. D'autre part, ils ont des noms qui sont très anglais, parfois plus anglais que les Anglais eux-mêmes, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous êtes conscient, mais beaucoup de Jamaïcains ont des prénoms, par exemple, qui sont super anglais, comme, je ne sais pas moi, Winston, Nelson, Roderick, des prénoms qui sont très très très anglais. Contrairement à ces noms pakistanais qui sont absolument imprononçables pour un certain nombre de Britanniques blancs. Et puis, alors bien évidemment, la culture populaire, le foot, le pub, le fait de boire de l'alcool, le fait de manger du porc, bon, on a toute une liste d'éléments qui sont importants. Hein. Et effectivement, c'est une différence culturelle qui est considérable, malgré l'absence d'évocation de l'islam qui viendrait donc avec les années 80. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps pour parler très bien. Bon, pour parler de la question du logement, qui est assez importante et qui a été un élément d'aggravation, finalement, du ressentiment racial des petits blancs de la années 60, très tôt, et malgré l'interdiction de l'usure riba, donc en islam, hein, les Asiatiques en Grande-Bretagne, quelle que soit d'ailleurs leur religion, hein, hindous, sikhs et puis musulmans, se sont révélés des propriétaires extrêmement stratégiques dans les quartiers en déclin et bientôt en déshérence dans lesquels ils allaient s'installer. Effectivement, un nombre croissant de Pakistanais, par exemple, notamment à Manchester et autour de Manchester, ont été des propriétaires ayant 5, 6, 10, 15, voire 20 appartements, dont certains ont été loués ou alors sous-loués à des Blancs. Et alors ça, effectivement, ça a généré un ressentiment racial extrêmement fort chez ces personnes qui, dans les années 60, à un moment donné où on disait qu'on avait affaire à une prospérité qui était sans précédent, se voyaient, eux, petits Blancs dans des usines, parfois 50 ans, 55 ans, 60 ans, vivre une sorte de relégation sociale et raciale, finalement, à devoir payer, à devoir s'acquitter d'un loyer, souvent hebdomadaire d'ailleurs, à des propriétaires pakistanais, souvent, enfin, un certain nombre de fois, assez âpres au gain. On a par exemple des cas notoires de propriétaires pakistanais qui étaient de véritables marchands de sommeil, avec qui les autorités locales travaillistes avaient maille à partir pour imposer des normes de sécurité, des normes d'hygiène, qui d'ailleurs souvent ont été introduites dans les années 60. Donc là, on a vraiment un élément qui est fondamental et qui a été, alors ça c'est de bonne guerre évidemment, qui a été exploité, qui a été instrumentalisé par une partie de la droite locale, notamment à Birmingham. Hein. Alors j'ai ici une citation d'un élu local à Birmingham, donc c'est la deuxième citation. Hein. « How much longer have we Englishmen to tolerate the overt propaganda urging us to love the colored immigrant who comes in peace and humility and ends by being the arrogant boss? For proof, speak to or visit the white people living under a colored landlord. » Alors à l'époque, c'était pas du tout raciste de parler de gens de couleur, hein, ce qu'on ferait plus maintenant en anglais, hein, colored bien évidemment, à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on le ferait plus, mais à l'époque ça pose aucun problème et ce n'est pas raciste que de le dire. J'aime assez la façon dont finalement on est plusieurs décennies avant l'émergence de ce qu'on appelle le politiquement correct, hein, mais si ce type de propos était tenu maintenant par quelqu'un comme, je sais pas moi, Éric Zemmour en France par exemple, on dirait ah, il y a une sorte de chape de plomb politiquement correcte qui nous invite à aimer les immigrés et tout. J'aime bien la façon, une sorte d'injonction finalement qui est décrite d'aimer les immigrés, comme s'il s'agissait, on était forcé de les immigrer, comme si on était forcé de les aimer, on pouvait pas juste se limiter à les respecter, quoi, tout simplement. Quoi. Alors je sais pas quoi faire de ça, mais simplement j'aime bien le d'un point de vue rhétorique, c'est cette idée de love the colored immigrant. Quoi. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on place la focale sur les Anglais et non pas sur les Britanniques. How much longer have we Englishmen et non pas British people? Puisque English renvoie à une identité qui est assez exclusive, finalement, on ne devient pas anglais, on l'est. Hein, y a cette superbe phrase que je cite en épigraphe du bouquin dans le film Le Limier, là, il y a, comment il s'appelle super acteur shakespearien, je ne sais plus son nom, très connu. Laurence Olivier, voilà, qui dit à son interlocuteur, qui vient lui dire que son père a changé son nom pour devenir anglais, il dit « become English ». C'est pas possible de devenir anglais, soit on l'est ou on l'est pas. Par contre, on peut devenir britannique, puisqu'effectivement, il s'agit d'accès à la citoyenneté. Hein. À l'époque, bien évidemment, pour des raisons d'accès à la citoyenneté, que j'ai pas évoquées en détail, les Pakistanais étaient citoyens britanniques, précisément parce qu'ils étaient ressortissants du Commonwealth. Donc, ils étaient citoyens britanniques. Voilà. Alors, très rapidement, venons-en peut-être effectivement à la question des vers sataniques, hein, qui fait vraiment partie, enfin qui fait le. Qui est la. Pardon ? Le tournant. Le tournant, merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir soufflé. Le tournant. J'allais commettre un anglicisme, enfin bref, ça fait très bizarre de faire ça. Voilà, ça fait un peu Jean-Claude Van Damme, en fait, c'est ça le problème. Alors, donc le tournant, venons-en au... j'allais dire le point tournant, mais en fait, ça veut rien dire, ça. Venons-en donc au tournant cette question, à savoir, effectivement, les vers sataniques, avec une double dimension, une dimension internationale qu'on connaît tous, hein, les personnes ici qui ont un souvenir plus ou moins précis de la crise des vers sataniques se souviennent bien qu'effectivement, il y a eu un retentissement qui était international, principalement dû, bien évidemment, à la fatwa du vieux dictateur iranien Khomeini. Mais moi, je voudrais m'intéresser davantage à la dimension nationale, britannique, donc, de cette question-là. Voilà. Alors, cette dimension nationale, elle est bien évidemment liée à la nationalité de Salman Rushdie. Hein. Rushdie est citoyen britannique, hein, romancier britannique, très connu, très célèbre, très respecté. Hein. Bien évidemment, c'est un romancier très important. Hein. C'est pas trop ma tasse de thé, moi, d'un point de vue littéraire, mais ça, c'est très, très subjectif. Il faut effectivement relever l'idée que si on regarde d'un point de vue global, d'un point de vue mondial, les réactions de colère qui ont été suscitées, enfin les réactions de colère les plus graves, les plus passionnées, les plus fortes, qui ont été suscitées à travers le monde, c'était principalement chez des musulmans d'obédience, soit des Obandis ou alors Barelvi, autrement dit des musulmans du sous-continent indien, dont l'obédience implique nécessairement une dévotion absolument sans réserve au prophète. Autrement dit, on ne critique pas, on ne caricature pas, on ne tient pas de discours négatif vis-à-vis du prophète. Hein. Et effectivement, si vous regardez, c'est ce que raconte notamment Tariq Modoud hein, en Grande-Bretagne, les manifestations les plus violentes vis-à-vis de ce roman ont été donc dans le sous-continent indien, très clairement, en Grande-Bretagne, hein, donc musulmans Barelvi et puis Deobandi, et puis également en Afrique du Sud, notamment à Johannesburg, où effectivement les musulmans sont très largement d'origine du sous-continent indien. Hein. Donc là, il y a quelque chose d'important à relever. Aussi, me semble-t-il, la façon dont la crise des vers sataniques, finalement, a généré une insistance chez les musulmans, une insistance sur la nécessité d'élargir la loi sur le blasphème. Il y avait, jusqu'en 2008, elle a été abolie en 2008, hein, il y avait une loi sur le blasphème en Grande-Bretagne, mais qui ne s'appliquait qu'à la foi chrétienne. On entend par la foi chrétienne, la foi anglicane. Hein, c'est un peu la partie pour le tout. Hein, ou plutôt le tout pour la partie, autant pour moi. Et donc, effectivement, il y a eu un certain nombre de musulmans qui se sont rendus compte que, ici, il y a une loi sur le blasphème, il faut qu'on s'en empare pour exiger la généralisation à d'autres groupes religieux, dont, bien évidemment, le nôtre. Hein. Alors, je vais lire donc la citation rapidement de ce restaurateur de Bradford qui était interrogé sur la BBC au moment de la crise sataniques, et qui dit la chose suivante. « We know how to behave. We've been behaving for the last 30 years. We've been here 30 years. And there's 2 million of us. Each one is offended on the issue, and yet the government is not doing anything. » Alors, un certain nombre de choses à dire ici. D'une part, d'abord 2 millions, c'est exagéré, mais à l'époque, on n'avait pas de statistiques religieuses, donc c'était impossible de le savoir. Hein, mais en 2001, il y avait 1,6 million de musulmans en Grande-Bretagne. Donc en 89, il devait être un peu plus d'un million, j'imagine, pas plus. Et puis, effectivement, une sorte d'exigence de reconnaissance nationale. Voilà, on sait comment se comporter, on s'est toujours bien comporté, on n'a jamais fait le bordel, on a toujours gardé un profil bas. Hein, et là, on exige effectivement une sorte de reconnaissance par le gouvernement de ce que, oui, on a été insulté sur cette question-là. Alors, l'idée que le gouvernement ne fait rien, effectivement, on ne sait pas trop à quoi ça renvoie, puisque le gouvernement Thatcher pouvait difficilement interdire le roman, par exemple, ce genre de choses, mais il y avait effectivement ce débat sur la loi sur le blasphème. Quoi. Là, il y avait effectivement une possibilité de faire quelque chose. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont, alors pas dans cette citation-là, mais dans un certain nombre d'autres discours que j'ai trouvés, sur les modes de légitimation de cette demande de reconnaissance. D'abord, ça repose sur le nombre. Ici, on nous dit, voilà, on est 2 millions. Hein. Bon, même si c'est exagéré, mais encore une fois, il n'y a pas volonté de mentir puisqu'on n'a pas accès à la formation à l'époque. La loyauté, l'idée qu'on a toujours été loyal à la Grande-Bretagne, hein, nous ou nos parents ont trimé pour la prospérité économique du pays, hein, effectivement, sans un certain nombre de Pakistanais, l'industrie textile aurait déjà périclité avant, hein, très clairement. Hein. Et puis aussi, mais même si ce n'est pas présent dans la citation ici, le fait d'acquitter des impôts. Hein, c'est aussi le mode de légitimation le plus fort de la création d'écoles musulmanes publiques. Hein. Nous, on est des contribuables, les catholiques, les juifs, les méthodistes ont des écoles publiques confessionnelles, donc financées par l'État. Hein. Nous aussi, musulmans, on exige l'inauguration de la création d'écoles publiques musulmanes, qui furent inaugurées d'ailleurs en 1997-98, quand Blair est arrivé au pouvoir. Hein. Ce dernier point est intéressant, car selon l'historien Rodney Hilton, il y a tout un travail de Bourdieu sur Rodney Hilton dans le dernier dans les cours de Bourdieu sur l'État, le gros pavé là, qui est sorti l'année dernière. Là. Selon Rodney Hilton, le sentiment d'appartenance à une nation et l'intériorisation de la nécessité de s'acquitter de l'impôt sont inextricablement liés dans l'histoire. Donc effectivement, on a un schéma qui est assez intéressant ici. Et il s'ensuit que devoir payer l'impôt et se voir refuser des droits dont d'autres minorités ethniques ou religieuses jouissent, hein, catholiques, méthodistes, juifs en Grande-Bretagne dans le domaine scolaire, est donc considéré comme inacceptable. Dans l'opinion publique, et pour les minorités, donc, c'est aussi une façon de placer le débat sur le terrain du sens commun, ce qu'on appelle en anglais « common sense », plutôt que sur celui du religieux, hein, où les musulmans peuvent apparaître comme différents, puisque en marge, contrairement aux chrétiens, les musulmans, on nous dit qu'ils n'ont pas embrassé le désenchantement du monde, hein, ouvrant la voie à une sécurisation inévitable en Europe, etc. Et tout. On connaît ce discours, quoi, si vous voulez. Quand on place le débat sur voilà, « nous sommes des contribuables », on évite de parler de ce qui peut faire peur à une partie de l'opinion publique, hein. Mais ça, je pense que c'est des choses que l'on connaît. Alors, je voudrais en venir, et puisqu'effectivement, c'est un séminaire sur l'islamophobie, parler des modes de stigmatisation de l'islam et des musulmans au moment de l'affaire des vers sataniques. Alors, il y avait déjà, alors je ne sais pas si c'est quelque chose que dont puisque je ne vous connais pas, hein, ce n'est pas du tout vous faire insulte que dire ça, mais il y avait déjà un discours assez rodé, finalement, qu'a bien analysé Edward Said, hein, dans le bouquin « Covering Islam », qui vient d'être traduit, qui a été traduit en français, là, il y a un ou deux ans, je pense qu'on avait parlé, quand on s'était vu, il me semble, et chez Actes Sud, il me semble. Actes Sud, ouais. C'est une bande. D'accord, c'est vraiment un bouquin important, ça. Hein, on en a parlé. C'est assez hallucinant que ça vienne d'être traduit en français. Enfin, bref, ça veut dire sans doute quelque chose sur une certaine frilosité des éditeurs en France. Enfin, un autre problème. Voilà, mais c'est un bouquin important. Hein. Et donc, effectivement, dans ce bouquin-là, il y avait déjà, notamment aux États-Unis, tout un discours qui associait Khomeini et puis Hitler. Hein, et puis, effectivement, le pouvoir donc, des ayatollahs donc, en Iran et l'Allemagne nazie. Par le biais notamment de l'antisémitisme. Bien évidemment, les deux partagent un antisémitisme qui est décrit comme viscéral, comme absolument obsessionnel, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un certain nombre de discours médiatiques sur les musulmans à l'occasion, effectivement, de la crise des vers sataniques en Grande-Bretagne, on va effectivement vraiment insister un maximum sur l'antisémitisme viscéral des musulmans, quoi. En donnant l'impression, en fabriquant, comme le dit l'historien Humayun Ansari, quoi, qui utilise le verbe « fabricate », hein, en fabriquant une sorte de consensus des Britanniques musulmans avec autour de la fatwa de Khomeini. Quoi, ce qui n'est pas corroboré par aucune étude nationale sérieuse. Hélas, et ça c'est très important d'insister là-dessus, hélas, il n'y a pas eu en 89-90 d'études nationales sérieuses sondant l'opinion des Britanniques. Donc c'était assez facile finalement pour un certain nombre d'éditorialistes, par exemple, hein, qui étaient en sympathie finalement avec Salman Rushdie, ce qu'on peut comprendre, notamment quand on sait ce qui est arrivé à Rushdie après pendant des années, hein, qu'il y a eu un destin assez tragique finalement, hein, Rushdie. Et puis après, bien évidemment, il y a aussi des réseaux de sympathie. Hein, Rushdie connaît un certain nombre d'éditorialistes lui-même, donc voilà, ça aussi c'est important de le signaler. L'insistance justement sur le fait que les musulmans britanniques étaient complètement en phase avec la fatwa de Khomeini, donc enjoignant, j'aurais dû le dire, excusez-moi, enjoignant tout musulman zélé à exécuter l'auteur, Salman Rushdie, et ses éditeurs. Donc 14 février 89, effectivement, cette fatwa de Khomeini tombe. Ce qui est important de mentionner, c'est que exactement un mois avant, le 14 janvier 89, à Bradford, on a assisté à un vaste auto-da-fé du roman sur Centenary Square, donc la grande place finalement de Bradford, avec une vaste foule musulmane qui s'est mise effectivement à brûler le roman. Ça a été couvert dans le monde entier. Si vous regardez les archives de l'INA, il y a le journal TF1, France 2, enfin à l'époque c'était Antenne 2, qui ont couvert cet événement. Vous trouverez très facilement des photos sur Internet. Enfin voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce que je suggère dans le bouquin, c'est que tout ce discours sur les musulmans sont d'accord avec Khomeini et Hitler, c'est pareil. Ça va, si vous voulez, de manière implicite, conférer une importance politique et démographique, bien évidemment, aux musulmans que les musulmans n'ont pas. Ça va donner l'impression, finalement, aux Anglais blancs sans problème, quoi, qui posent pas de problème, les invisibles, comme dirait Marine Le Pen, que, voilà, eux-mêmes sont devenus une minorité dans leur propre pays, quoi, si vous voulez. À l'image, finalement, des juifs pendant l'Allemagne nazie, quoi, qui était effectivement une très petite, d'ailleurs, minorité démographique en Allemagne, quoi. Et, alors, il y avait un semblant de vraisemblance dans ce type d'appréciation, même si, bien évidemment, démographiquement, politiquement, économiquement, c'est bidon, à travers un certain nombre de photos. Lorsque vous voyez Centenary Square à Bradford, avec une véritable marée humaine musulmane en train de brûler le bouquin de Rushdie, l'effet, en termes de ce qu'on appelle communication en politique, a été absolument désastreux. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui organisaient cette manifestation, dont j'ai interrogé un certain nombre de membres, n'avaient aucune idée du vaste désastre médiatique que ça allait créer. Ils avaient à plusieurs reprises organisé des manifestations pacifiques autour contre le roman, n'avaient pas été relayés par les médias, et donc c'était dit, voilà, il faut qu'on fasse un truc coup de poing, sinon on parlera pas de nous, quoi. Manque de chance, ce truc coup de poing était très très mal pensé, effectivement, à alimenter des parallèles, effectivement, en nombre entre Allemagne nazie, où on brûlait bien évidemment des livres, et puis musulmans d'autre part, quoi. Alors, d'autres éléments importants, je sais pas combien de temps il me reste, dites-moi tout. Un quart d'heure, je vais essayer de faire au mieux. Alors, ce que j'appelle finalement la construction d'une communauté musulmane, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Alors, je vais zapper ma conclusion, ce sera plus simple. Alors, de l'extérieur, effectivement, il faut insister sur le fait que chez les musulmans, il n'y a pas eu de consensus à la fois contre Rushdie, mais aussi, bien évidemment, de consensus pour la fatwa. Il semblerait que la majorité des musulmans étaient tout autant opposés, effectivement, au roman de Rushdie qu'à la fatwa de Khomeini. Donc, il faut passer au milieu des deux, quoi. Un certain nombre de musulmans, également, étaient assez indifférents vis-à-vis de ce qu'avait publié Rushdie et se disaient, c'était le cas notamment des Yéménites et aussi des Bangladais dans l'East End de Londres, considérait que voilà, si Rushdie avait péché, il irait en enfer, et puis c'est aussi simple que ça, quoi. Il n'y avait pas cette volonté de manifester publiquement et violemment un désaccord, une colère, une indignation vis-à-vis de Rushdie. C'est très très clairement finalement ce qu'ont fait les Pakistanais ou les gens d'origine pakistanaise, notamment dans le nord de l'Angleterre, et puis dans les Midlands, quoi, mais beaucoup moins à Londres. Les Bangladais ont fait beaucoup moins de bruit pour une raison qui a sans doute partie liée avec la période d'immigration. La plupart des Bangladais sont arrivés plus tard, voire beaucoup plus tard. Étant arrivés relativement récemment, ils n'avaient pas trop envie de faire de bruit autour de ça, quoi, si vous voulez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue médiatique et politique, il y a eu la construction d'une communauté musulmane, quoi, avec vraiment les musulmans. On ne faisait pas finalement de distinguo entre voilà, Pakistanais, Bangladais, Yéménites, voilà. Autre élément, vu de l'intérieur, la construction d'une communauté musulmane de l'intérieur, il y a eu clairement un effet au sens où un nombre croissant de musulmans ont commencé à partir des vers sataniques à envisager leur identité comme étant d'abord musulmane, ou alors musulmane britannique ou britannique musulmane. Ça, c'est effectivement une sorte d'effet assez classique de retournement du stigmate, quoi, si vous voulez. On vous affuble un stigmate de musulman, bah, donc vous le prenez, vous l'utilisez comme un badge identitaire et vous le revendiquez. Bon, c'est assez classique comme schéma. Alors, je voudrais maintenant, en troisième partie, parler de l'islamophobie, hein, de l'irruption du terme islamophobie et puis des débats autour de ce terme en Grande-Bretagne. Je pense que je vais laisser de côté la conclusion qui parlait du British National Party et puis de la notion de racisme anti-blanc en Grande-Bretagne. On pourra en parler après, si vous voulez, pendant la discussion. Ce que j'essaye de raconter, finalement, c'est que le terme de islamophobie, donc en Grande-Bretagne, hein, vous savez peut-être, sans doute, que finalement, un des moments charnières, c'est la publication du rapport du Rhonomy Trust, hein, intitulé Islamophobia, a Challenge for Assault, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, 97, donc voilà. Ouda avait fait l'intervention. Ah d'accord, bon, c'est très bien, donc on est en terrain conquis d'une certaine façon. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'après la publication de ce rapport par le Rhonomy Trust, on a eu un certain nombre d'éditorialistes en vue, notamment Paul Toynbee, qui sont montés au créneau en disant « Mais c'est le racisme qui est un problème, ce n'est pas l'islamophobie. » Autrement dit, ce concept n'est pas opératoire, il ne veut rien dire, etc. Et tout. Alors mon impression à moi, c'est qu'un certain nombre d'éditorialistes sont un peu gênés lorsque... c'est ce que j'appelle finalement le mot des autres, quoi. C'est un terme qui est invoqué par les minorités, et donc ces éditorialistes sont embêtés parce que finalement ils sont invités à utiliser un terme qu'eux-mêmes n'auraient pas utilisé, quoi. Et ils montrent d'ailleurs une prudence conceptuelle extrêmement, enfin qui est de bon aloi, quoi, hein, mais qui est une prudence conceptuelle qu'ils n'utiliseraient pas ou dont ils ne feraient pas preuve pour d'autres concepts. Alors je vais essayer de donner des exemples. Un certain nombre d'éditorialistes ou de journalistes, voire d'universitaires d'ailleurs, en Grande-Bretagne, reprochent au terme islamophobie, effectivement, de confondre la haine ou la détestation vis-à-vis d'une foi religieuse, d'une part, et puis la haine ou la détestation de personnes, de musulmans, quoi, de personnes qui partagent cette foi. Quoi, hein. Et donc, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on devrait dire islamophobie ou alors musulmanophobie, ce genre de choses, quoi. Il me semble qu'un certain nombre de ces éditorialistes, tant en langue française qu'en langue anglaise, hein, ne montrent pas cette prudence extrême vis-à-vis de termes qu'on utilise de façon routinière et qui eux-mêmes sont très critiquables. Bien évidemment, dans ce type de séminaire, on pense notamment au terme de communautarisme, hein, assez clairement. Hein. Ou alors, je sais pas moi, quand je vais passer le grand oral à Sciences Po Lille, j'entends tout le temps des termes qui reviennent tout le temps, communautarisme, euroscepticisme, flexibilité, vivre ensemble tout le temps, dans toutes les phrases qu'on utilise. Et j'entends jamais de prudence conceptuelle vis-à-vis de ces termes-là. Enfin, et lorsqu'on interroge les étudiants pour savoir ce que ça veut dire et tout, souvent ils sont un peu gênés aux entournures. C'est pas une critique vis-à-vis de ces étudiants-là, mais simplement, c'est ce que Bourdieu appelait l'effet d'imposition problématique, si vous voulez, qu'on utilise de façon assez routinière, quoi. Alors, il faudrait faire l'historique de l'émergence de certains termes dans le débat public, hein, sexisme, racisme, antisémitisme, bien sûr, hein, et puis, notamment, effectivement, islamophobie, effectivement, ce que tu as fait, donc c'est très bien. Je n'ai pas à en parler, c'est super. Voilà, alors, donc, moi, ce que je pense, c'est que sur ce terme de islamophobie ou musulmanophobie, sur le terrain, en fait, hein, à partir du moment où la foi, si vous êtes quelqu'un de très religieux ou quelqu'un pour qui votre religion est importante, hein, une insulte vis-à-vis de la foi que vous partagez peut être prise comme une insulte personnelle, finalement, parce qu'une certaine façon, on insulte votre identité personnelle. Donc ce distinguo entre islamophobie et musulmanophobie me semble un petit peu critiquable de ce point de vue-là, quoi. Je pense, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire en conclusion du bouquin, le parallèle avec l'Irlande du Nord est assez éclairant, et là, ça me semble assez intéressant d'en parler plus en détail. Ian Paisley, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est très connu en France, Ian Paisley... Un petit peu. Bon. Alors, donc, un extrémiste protestant, hein, nord-irlandais, hein, n'a eu ne cesse pendant sa très longue carrière, il doit être très âgé maintenant, de marteler, je cite, qu'il ne déteste pas les catholiques en tant que personne, mais qu'il s'oppose vigoureusement et qu'il déteste la religion catholique. Il n'empêche que ces diatribes anticatholiques en Irlande du Nord étaient prises comme autant d'insultes personnelles par les catholiques eux-mêmes. Même si d'ailleurs ces catholiques n'étaient pas, ne partageaient pas une religiosité très forte, même si ce n'était pas nécessairement des catholiques qui allaient tout le temps à la messe. Hein. Il y a un parallèle assez intéressant avec certains discours islamophobes. Alors, enfin, je terminerai sur... ça m'intéresse peut-être plus de poser la question du suffixe phobie ou phobique dans islamophobie plutôt que islamo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'islamophobie, notamment dans ce qu'on voit à travers des articles, des reportages, des documentaires, des éditoriaux, finalement, est-ce que c'est aussi phobique que ça ? C'est la question que je me pose, quoi. Si l'on accepte, donc avec le chercheur américain Rick Bleich, que l'islamophobie renvoie, je cite, à une peur, une haine, une aversion sans nuance ni justification de l'islam et des musulmans, fin de citation, alors en quoi est-ce que l'expression de ces sentiments relève-t-elle, dans le discours médiatique et politique, en France et en Grande-Bretagne, de la phobie au sens pathologique du terme, hein ? Autrement dit, la seconde partie du mot est-elle, elle aussi, mal choisie, quoi ? C'est la question que je me pose, quoi. Alors je vais renvoyer, c'est un parallèle qui peut sembler une digression un peu bizarre, mais je renvoie à un article de George Orwell, hein, qui s'appelle Magazine pour garçons, je pense, c'est Boys Weeklies, un article de 1940, qui est super bien foutu, qui est sans doute le seul article de George Orwell qui soit vraiment un article scientifique, quoi, où il y a vraiment une rigueur scientifique, hein, qui aille au-delà de ce qu'on est tenté d'appeler des sortes d'intuitions géniales, quoi, hein, dont Orwell était familier. Et alors, il décrit finalement les magazines, 12 magazines pour garçons, hein, à la fin des années 30 et puis 40, et il évoque les stéréotypes raciaux qui sont récurrents et qui sont associés aux Français, aux Espagnols, aux Arabes, aux Chinois, aux Italiens, aux Suédois et aux Nègres, qu'on trouve dans toutes ces publications, qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement populaires à l'époque. Hein. Et il dit la chose suivante. Derrière tout cela court l'idée non seulement que les étrangers sont des drôles de gens, inventés pour nous faire rire, mais aussi qu'on peut les classer et les répertorier comme des insectes, par exemple. Fin de citation. Alors c'est notamment en confortant le chauvinisme anglais le plus caricatural, le plus étriqué, que ces publications pouvaient se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires, sans nécessairement, et c'est ça qui est important, que leurs auteurs eux-mêmes croient intimement que tous ces stéréotypes étaient vrais. La question que je me pose là, c'est est-ce que pas mal de discours islamophobiques, finalement, sont véritablement... est-ce que les personnes qui tiennent ces discours y croient vraiment nécessairement, quoi, et y croient de façon phobique, quoi, sont caractérisées par une véritable phobie personnelle vis-à-vis d'islam et des musulmans. Alors, bien évidemment, il y a plein de cas particuliers. Hein, on pense, par exemple, à Ayaan Hirsi Ali, bien évidemment. Je pense que de nombreux discours qu'on est tenté d'appeler islamophobes, chez les politiques et dans les médias, on peut effectivement remettre en cause leur caractère strictement phobique, si vous voulez. Hein. Leur but, finalement, c'est de conforter un contraste assez caricatural entre lumière française et obscurantisme musulman, qui conforte une sorte de « nous national », déstabilisé par l'Union européenne, la mondialisation, les délocalisations et l'inexorable déclin de ce qu'on appelle notre modèle national. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces discours-là doivent beaucoup à des impératifs capitalistiques de profit, hein, pour les journaux, pour les éditeurs, bon, je pense qu'on est tous au courant de ça, et qu'on les voit notamment à partir à travers des titres de bouquins. Moi, je m'intéresse assez à ça. Si vous regardez le contraste, par exemple, qu'il y a entre certains titres et certains sous-titres, pensez au bouquin de Gilles Kepel, Les banlieues de l'islam. Hein, les banlieues de l'islam, ça donne l'impression que comme le château de ma mère ou la gloire de mon père, les banlieues de l'islam. Non, mais le 2, c'est le complément du nom. Les banlieues de l'islam, les banlieues appartiennent à l'islam. Si vous vous baladez à Carrefour, en tête de gondole, vous voyez les banlieues de l'islam, vous dites « Ah, ça fout les boules, les banlieues de l'islam ». Et en fait, vous regardez le sous-titre « Naissance d'une religion en France ». Mais si c'est simplement naissance, comment est-ce que les banlieues peuvent appartenir à une religion qui est naissante ? Autrement dit, si Gilles Kepel est une personne intelligente, ce qui est sans doute le cas, je ne le connais pas, et je sais que son bouquin est relativement intéressant et nuancé et compagnie, c'est sans doute contestable, mais on a affaire de toute évidence à un titre qui est absolument caricatural, dont le but effectivement est de se vendre en tête de gondole, et le contenu va contredire un certain nombre des éléments qui sont dans le titre. Je voudrais donner un autre exemple qui est assez caricatural et qui, pour le coup, est une traduction déplorable. Le bouquin « On a tué Vincent Van Gogh, enquête sur la fin de l'Ordre des Lumières » de Ian Buruma, je ne sais pas si vous dites quelque chose. Le titre anglais est beaucoup, beaucoup plus intelligent pour le coup et n'invoque pas du tout l'héritage des Lumières. Et d'ailleurs, le contenu du bouquin lui-même est très critique vis-à-vis de ce que Ian Buruma appelle les fondamentalistes des Lumières, parmi lesquels Ayaan Hirsi Ali par exemple. Et Buruma a dû, effectivement, s'il parle français, être assez content que son bouquin soit traduit en français, mais mécontent qu'il soit traduit avec un titre aussi caricatural. Donc le but, effectivement, c'est de... Enfin, ce que je veux raconter ici, c'est qu'il y a tout un substrat, tout un... Comment expliquer un arrière-plan islamophobique qui est quand même alimenté, me semble-t-il, par des impératifs qui sont, in fine, économiques. Ça, c'est très, très important à mon sens. Alors, j'ai plus trop de temps pour parler du racisme anti-blanc hein, en Grande-Bretagne, sauf si vous me le permettez, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas. Allez, mais... 6 minutes. Alors, d'accord, très bien, merci. Alors, bon, on a pas mal entendu parler de cette catégorie de racisme anti-blanc hein, qui a été instrumentalisée par M. Copé là, en octobre, et puis effectivement, bien évidemment, le Front National, hein, c'est pas étonnant. Et alors, le British National Party, donc sous la houlette de Nick Griffin en Grande-Bretagne, s'est intéressé à cette thématique à partir de la fin des années 90. Les tentatives donc, de respectabilisation du Front National français avec Bruno Maigret, donc vers le milieu des années 90, ont d'ailleurs pu servir d'exemple à suivre. C'est ça qui est intéressant. Dans un article du magazine extrême droite Spearhead, Mark Deven avait suggéré donc, aux dirigeants du British National Party de s'inspirer du Parti français, félicité d'avoir produit un discours politique qui, je cite, suscite le moins de résistance possible chez les Français ordinaires. Donc l'idée, effectivement, c'est de construire les petits blancs comme une sorte de minorité, finalement, comme étant victimes du racisme. Hein. Donc inverser, finalement, le schéma démographique majorité-minorité. Je renvoie ici, très rapidement, parce que je n'ai pas le temps d'en parler, à la brochure du BNP qui s'intitule « Racism Cuts Both Ways ». The Scandal of Our Age, c'est publié en 2007, c'est disponible sur Internet, hein, avec des photos absolument effrayantes, hein, de personnes qui ont été agressées, enfin, il y a beaucoup de sang un peu partout dans cette brochure, mais elle est assez intéressante à décrypter, à décortiquer, et avec tout un habillage très respectable, on a une citation de Shakespeare dans le prologue, c'est pas une pièce de Shakespeare exactement, dans l'introduction de la brochure, une citation du Marchand de Venise. Et puis, effectivement, l'idée, on nous parle d'une sorte d'industrie de l'intégration en Grande-Bretagne, hein, Race Relations Industry, avec le fait que les minorités ethniques, ça c'est très très typique du discours du BNP, les minorités ethniques sont beaucoup beaucoup plus organisées et sont beaucoup beaucoup plus solidaires entre elles, et elles ont produit une véritable industrie de l'intégration qui fait qu'elles ont accès, elles ont un accès aux ressources publiques qui est absolument considérable, contrairement aux petits blancs, quoi, si vous voulez. Donc encore une fois, la construction des minorités comme étant un tout, hein, ça renvoie finalement à ce que Rogers Breaker a appelé le groupisme, hein, si vous voulez, hein, constitue un tout très solidaire, très très marqué par une véritable cohésion extrêmement forte, quoi, si vous voulez. Et puis, on a aussi l'idée, ça aussi c'est important, que ces associations-là bénéficient des aides de l'État-providence qui sont absolument inacceptables, beaucoup trop généreuses et scandaleuses. Alors l'idée c'est que, c'est ce que raconte un petit peu le Rand Mead Trust, hein, qui a fait un rapport en 2009 qui s'appelle Who Cares About the White Working Class, hein, qui s'intéresse à la classe ouvrière blanche, qui a un rapport qui est absolument remarquable, qui est très très intéressant à lire, où en fait on est en train de construire les petits blancs comme une sorte de minorité ethnique dans certains discours publics, quoi. Notamment depuis la crise des subprimes, quoi. L'idée c'est d'une certaine façon de diviser pour mieux régner, quoi, si vous voulez, hein. Et qu'en conférant une identité raciale aux petits blancs, ce que les petits blancs n'avaient jamais vraiment imaginé pour eux-mêmes, hein, quand on est blanc dans une société blanche, on n'envisage pas son identité raciale, hein, par définition, on n'a pas de couleur. L'idée c'est que l'effet, si vous voulez, domino, l'effet qui est induit, qui est délétère, finalement, c'est d'alimenter le racisme, enfin, la sorte de ressentiment anti-blanc du type white backlash, quoi. Donc voilà, je renvoie à la fois, pour terminer, je voudrais insister là-dessus, la brochure, donc Racism Cuts Both Ways, là, du BNP, qui est très intéressante, 7-8 pages, c'est assez facile à lire, soyez pas trop effrayés par les photos, et puis effectivement, le rapport du Rand Mead Trust à 80-90 pages intitulé Who Cares about the white working class. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, sans doute que tu l'auras dit, effectivement, en parlant du rapport de 97, mais le Run-A-Mid Trust, normalement, ne s'intéresse qu'à des questions de minorité ethnique. Quoi. Là, précisément, c'est pas que le Run-A-Mid Trust abonde dans l'idée que les petits blancs sont devenus une minorité ethnique, mais s'intéresse au fait que, en conférant une identité raciale aux petits blancs, ça a un effet délétère, effectivement, sur les minorités ethniques elles-mêmes. Quoi. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était extrêmement intéressant, j'ai plein de choses à dire, mais je ne sais pas si on ouvre d'abord ou si du coup je me permets que j'ai la parole. Alors moi j'aurais une question, donc moi j'ai lu ton livre et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a frappée dans la manière dont tu présentes, c'est d'abord la question des revendications des musulmans, et je me demande